du mein Balzac, doch Füße geklomme, von Bujan und Deinzac, doch Füße war liebe, Albanien, Griechen, se mame, chare, bis damit sind gechickte, wir doch noch. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'interviewe Mario, qui, entre autres projets, a créé une page Instagram dédiée à la scène punk de l'ex-URSS. Et sa page s'appelle « Punk Behind the Iron Curtain ». On a eu des petits problèmes techniques au départ, mais on reprend. Donc, rebonjour Mario, et s'il te plaît, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, où tu vis aujourd'hui. So, hello, I'm Mario. I'm from Slovakia. I'm born there in the Slovakia. And I just grew up there, and I went to the school, and when I finished the school, so I went to the UK to work, yeah, and that was 12 years ago. So, and I remember I just say like, I'm going for a UK only for 1 year, and I will keep it here for 1 year, and then I'm here exactly 12 years, yeah, so it was like, you know, like the test, you know, I want to be only for test here for 1 year. Bonjour. Je m'appelle Mario, je suis né en Slovaquie et j'ai grandi là-bas. Quand j'ai terminé mes études, je suis allé aux États-Unis pour travailler il y a environ 12 ans de cela. Je me souviens que je me disais, je pars au Royaume-Uni, mais j'y resterai seulement pendant un an, juste pour voir. Et puis au final, je suis toujours là. 12 ans après, et je m'y sens bien. Je m'y sens bien parce que le niveau de vie est différent quand on est dans la partie occidentale de l'Europe ou qu'on vit dans la partie orientale de l'Europe. Et la scène punk aussi est vraiment différente entre Est et Ouest. Mais bon, on parlera après de la différence entre les deux scènes. Alors, le morceau que j'ai choisi, c'est un titre de Tchécoslovaquie. Cela s'appelle HS. NF, Hervojde Nové Fronty, héros du Nouveau Front. Et la chanson s'appelle Dumna Demolici, maison à détruire. Et c'est vraiment du punk bien agressif, donc c'est vraiment très fort. Cette chanson a été enregistrée en 87 ou en 88. À la fin des années 80, il y a eu la perestroïka et les groupes ont pu jouer plus librement. Ce titre a même été enregistré live dans un bâtiment officiellement communiste. C'est ce qu'on appelle la démolition de haut niveau. Avant ça, ce genre de groupe et de concert étaient illégaux. C'était donc Rdinové Nové Fronty avec Doom na Demolici. Et donc, quand et comment as-tu commencé à t'intéresser au mouvement punk? Also, the first time what I heard punk or I see the punk band, there was like I was sitting on the floor on the living room, and I see on the TV the band The Offspring, yeah? And one Slovak band, Horký žeslíže. And there was like different kind of music what I was listening before, because before I was listening pop, rock music, pop music, yeah? And I was still like 12 years old, even 11 years old, yeah? And I see the La Offspring, I première was fois like, que wow, j'ai this is so entendu good, this du is like punk ou for que any j'ai vu un groupe punk, style j'étais I am. assis par terre dans le salon et je l'ai And vu then I et found j'ai vu à la about télé The band in a Offspring cafe, et it's un like groupe pop punk slovaque, band in Slovakia, and Orchia now Sijle. there's huge C'était band une there, musique and there is différente so de huge celle in que the j'écoutais Slovak à Czech l'époque. Republic, yeah. Parce qu'avant, And j'écoutais du rock et de la musique pop. that was the thing, like I J'avais started 11-12 ans. listening the Je pop vois punk, yeah. donc So that The was like my first Offspring, thing, je like me suis from the dit, pop waouh, rock c'est trop pop bien. punk, yeah. And then I'm gonna C'est un truc Bulgaria, plus yeah. lourd. Puis j'ai And découvert next Enya thing is was Cafe, like un groupe I went to pop punk their de gig, yeah. Slovaquie. I remember, Maintenant, and c'est there un was groupe I went to énorme. their gig, and there was like, Ce groupe wow, est this is tellement so good. There important was so en heavy, the Slovaquie people et were en chanting, République they were tchèque. doing pogo, yeah. And Je me souviens que I je was suis chanting allé à leur more and more, concert and then et I c'était remember tellement I was cool. on Il y avait the du school at pogo, les gens on the lunch sautaient, break, bougeaient. and I see the Puis, kind of je me people was souviens maybe around the que gate on j'étais à the l'école. school, Pendant la and pause déjeuner, j'ai vu des then gars there's traîner got the au weird portail clothes, avec weird des haircut. vêtements bizarres, I came des to coupes de them cheveux like, well, bizarres. where are Je you suis from? Who allé are you? vers Was eux, like, we je are leur ai punks from demandé here, the qui ils place was like, étaient, yeah, d'où you ils are punks. venaient, et ils me disent, nous So sommes I des was punks more de l'autre interested about village. punk because there was like something J'ai different commencé à way I couldn't être see plus before. intéressé par cette musique I parce asked qu'il y them for avait some quelque chose de cabaret, différent and they de borrowed me ce some que j'avais cabaret, and vu there was like the auparavant. classic, like Sex Pistols Alors, and je leur ai Raymond demandé des and cassettes all the et ils m'en ont acheté. Czechoslovak punk bands, yeah. Et il y avait des So I classiques like comme les it. Sex I really, Pistols, les really like Ramones these bands. So I getting more et and plein heavier and heavier. de Like groupes I punk said, I started from tchécoslovaques pop et j'ai punk, and now adoré. I started Donc, more je me heavier suis pop tourné vers punk le rock, punk 77, 77, the le hardcore hardcore, le punk, and crust then thrash et punk, tout and ce genre de like choses. I found it on the internet and on the YouTube, and it shows it probably the first East European punk song, yeah. And I was surprised because I was Le prochain always morceau que thinking je vais vous like the passer, first punk c'est bands what was Leptir still Eastern Shipak. Europe was the J'ai hardcore découvert ce punk thing titre from the sur YouTube. Yugoslavia or Il s'agit Croatia, probablement and d'une des premières chansons punk d'Europe de so I was l'Est. surprised J'ai été surpris when I parce que je found out that there is pensais like the band, que le and premier the groupe band is called punk Leptir. Leptir and the d'Europe de song l'Est, c'était called plutôt Shipak. Paraf And I de really didn't Croatie know like ou the Pankrati band is really the first de punk band, Slovénie. but there Et was donc, like j'ai the été surpris description of the quand j'ai YouTube, like découvert Leptir, the aussi fish song, d'ex-Yougoslavie. this song from Le titre, c'est 1976, yeah. So it's Shipak, like, you know, ça veut when the dire punk's grenade en just français, starting in the et UK, il date de 1976. C'est donc au même moment so I decided this que first le song, punk it's venait called Leptir, d'exploser and it's au called Shipak. Royaume-Uni et en Amérique. From which Le groupe country? venait Sorry. de ce It's qui est maintenant from la Yugoslavia or Bosnia. Bosnie-Herzégovine. Thank you. d'écouter Leptir avec le titre Shipak. Et qu'est-ce qui t'a motivé, Mario, à créer la page Punk Behind the Iron Curtain? Où trouves-tu toutes ces photos, ces vidéos, les informations sur les groupes? Parce que c'est vraiment intéressant. So it just started 3 years ago. It's exactly 3 years ago now, I think. And it started pandemic. Ça a commencé il y a 3 ans, au moment de la pandémie de Covid. Je me suis retrouvé sans rien à faire. Alors, plutôt que d'aller à la salle de sport, de me balader dans le parc ou quelque chose comme ça, ou de picoler, j'ai décidé de commencer à lire des livres. J'avais différents bouquins sur les vieux groupes punk et hardcore. J'ai trouvé un livre sur la chute du mur de Berlin et qui parle du punk d'Allemagne de l'Est, de la Révolution. Je me rappelle plus exactement du titre. Chute du mur de Berlin, Révolution et DDR Punk ou quelque chose comme ça. J'ai oublié maintenant. Et j'ai été absolument surpris de ce qui se passait en Allemagne de l'Est parce que je savais comment s'était déroulée la répression en Tchécoslovaquie, mais je ne savais pas qu'en RDA, la situation était aussi mauvaise pour les punks avec la police secrète d'État et tout ça. Les punks d'Allemagne de l'Est allaient en prison juste parce qu'ils étaient punks. J'ai été absolument surpris parce que je pensais qu'en Allemagne de l'Est, vu qu'il y avait leur frontière avec l'Ouest, que tout y était parfait, avec des liens et des échanges entre punks des deux côtés du mur. Mais non, il y avait le rideau de fer impénétrable entre les deux pays. Thank you. Okay, so next the band is the from East Germany, and this is like a very, very weird stuff because really that's another band what I don't know so much about, but I just found out it's like it's called Konstruktives Liebeskommando. Okay. Yeah, Konstruktives Liebeskommando, and there was different band. There was this band is so weird because they're playing like Ce groupe this kind of vient post-punk, d'Allemagne but de l'Est et very, c'est assez very, bizarre very parce dark que, post-punk, bon, je and ne they are using connais pas like the, encore bien like, car je I viens de don't le know how, like, découvrir. whistle, Je no, trouve I que ce don't know groupe how est to assez say, they're using like différent. different C'est du weird post-punk instrument, I très très don't know, is sombre. there like Ils saxophone or utilisent something like pas that, mal yeah, d'instruments and étranges et parfois difficiles à yeah, this distinguer. song is really Cette like, chanson you est can vraiment feel like comme. the like desperate of the Vous situation pouvez of the people in ressentir le East dépit de la Germany when you hear situation this des song, gens like, and I en just Allemagne found de out l'Est this quand band vous is from l'écoutez. Erfurt, yeah, and Je there viens was aussi de like a découvrir very, very que famous le band groupe Schlagzeilen, vient d'Erfurt, yes, and then où il y and avait this un autre groupe très très members from célèbre, this c'est band, Shame this Came. Contruxive Liebeskommando, Des then went to this membres band when de they broken up, Konstruktive so in Liebeskommando the qu'on vient d'écouter 1984, sont they ensuite came for the allés wedding of Schlagzeilen, dans Schlemkeim lorsque so ils se this sont band, this séparés en song is really, 84. really like Le titre dark for c'est me, Wach ein oder and the Luge. song is called Je ne Wahrheit sais pas oder encore ce que ça veut Lüge. dire, je vous I don't know avouerai. what does it mean. Vérité ou mensonge? Oui, la répression a été franchement hardcore en Allemagne de l'Est. Yes, that was the hardest. Yeah, I was thinking like the because, for example, in Poland, Yugoslavia was it wasn't behind the hard curtain, yeah, but they got good punk scene, yeah, but there was good, yeah, because there was like coming like some international bands, but Czechoslovakia was very, very bad Oui, with the c'était la repression, and pire. this En Berlin Pologne, was en absolutely the worst, Yugoslavie, il y yeah, avait and une there bonne was scène like I was punk, absolutely des groupes surprised what was internationaux, going on there, ils yeah. parvenaient ou ils jouaient même. So I was thinking Les like because Tchécoslovaques ont été très très durement I touchés know par there la is répression, mais pages, different pages la on the RDA, Facebook c'était about absolument each le pire. state, yeah. There is Et like j'ai été about East vraiment German surpris band, par there's ce qui se about passait là-bas. Polish punk Et scene, donc, there is je me about suis dit qu'il Czechoslovak scene, Hungarian existait punk scene, yeah. différentes But pages Facebook à propos de people who chaque is doing pays. that, they don't know Il y a le about another punk country, yeah. est-allemand, il y a la scène So I was thinking polonaise, like la I'm scène going to all tchécoslovaque et la scène connecting, hongroise, but I don't mais want to do juste on the pays Facebook par because on pays. the Facebook Alors je me there suis is like dit all the pages que about it, j'allais but tout I just checked connecter. the Instagram Il and y there avait was déjà nothing, beaucoup de pages absolutely nothing. Nobody says nothing sur about ces the pays, sur punk scene Facebook, in the mais rien East sur US, Instagram, so et rien I du just tout sur connected everything la and put it scène to punk the d'Europe de l'Est. Instagram, J'ai so donc because simplement tout from beginning I connecté et want je to l'ai do mis sur only about Instagram. Czechoslovakia, Au yeah. But départ, I je realized that voulais like parler no, uniquement going de to la do global and this Tchécoslovaquie, Europe, the only mais au bet. final, And from beginning I could j'ai like I décidé didn't know de absolutely I parler didn't know about punk tout scene in l'ex-bloc the East soviétique, Germany, I didn't know même si about je ne Bulgaria or connaissais pas something like that. I grand-chose know about sur Czechoslovakia, les Poland, scènes de Yugoslavia, l'Allemagne de maybe l'Est specifically ou Hungary, encore de yeah. la Bulgarie, par So exemple. all the J'avais information, plutôt des I connaissances start sur from beginning la really because I Tchécoslovaquie, didn't la know about Pologne, nothing, yeah. I just la started. Yugoslavie. I remember when Donc, I started, j'ai dû so I had to repartir à find zéro out about pour all trouver these bands. I des absolutely don't groupes, know, like, des infos sur Hungary, there was like, I certains don't know, pays. Par 150 punk exemple, bands dans les années in the 80, 80s, yeah. il y avait And in quelque chose 1980, comme about 5 150 maybe, yeah. groupes punk So en I had Hongrie, to still find the et j'en connaissais information. So peut-être I was 5. like J'ai Googling donc dû everything, yeah. chercher sur Checking Internet, on the consulter des blogs, so blogs blah, blah, blah, sur this des band. groupes And de l'époque, I et je was prenais doing des like notes à ce notes about sujet. it. Donc beaucoup de recherches et beaucoup de travail et d'archivage. Je sais ce que tu veux dire car j'ai très souvent les mêmes problèmes pour notre émission également, surtout avec la barrière de la langue qui rend les choses encore plus compliquées. Yeah, that thing is because like there was information about some bands from Bulgaria or Estonia, but there was not about their language, yeah. So Yes. Oui, there was like c'est I parce have to que translate même quand everything, and that's il y good avait about des the good informations sur translator certains talking groupes so de much because Bulgarie sorry with ou the d'Estonie, because I'm je doing devais page tout about traduire. I Heureusement don't qu'il y know a 15 Google different Translate. languages, yeah. Cela m'a beaucoup aidé parce qu'au final, Another band je me is retrouve Helping Every Home à of faire une Hungary, that page sur, je ne sais CPG. pas, Oh yeah, une famous scène qui regroupe 15 Coast langues of Punk, différentes. and there is Le groupe first one from suivant their demo, it's est called le légendaire Hosszúha CPG de Hajógerek, Hongrie. C'est le premier titre Hosszúha de leur démo Hajógerek. qui It's a s'appelle really, et ça really good s'appelle song, really, really fast song, yeah. Ojul That band is so Ajou legendary, Jegerek. and then actually now C'est they got really, une really très bonne hits, and chanson, une chanson très rapide. people are Ils really, ont really d'ailleurs into them, yeah. recommencé à faire des So concerts I'm et really, beaucoup de really gens s'attendaient à ça. recommend this band, yeah. Donc And je this recommande band, vraiment, vraiment ce groupe. in 1983, À l'époque, en 81, 83, after après their leur last dernier gig, they went to concert, ils prison sont allés à for good, prison à cause because of des complete autorités alcoholics, communistes. yeah. Voilà, c'était CPG Hoshu Hayo Gierekek. Je ne suis pas très forte en hongrois. Et donc, tu disais que, bah, bien sûr, l'atmosphère de la scène punk en Grande-Bretagne est très différente. Et selon toi, qu'est-ce qui est différent entre les scènes des pays occidentaux et celles des pays de l'Est? So, it's like, you know, it's like the first thing is the economic situation because, you know, like in the, you know, like Eastern Europe, like what happened during 1899, there was like shock, you know, shock, I don't know, it's called shock therapy or something like that because when there was transformation from communism to capitalism, so the, almost on the all countries, like the wages keeping the same, yeah, but the la première chose est la situation économique, car en Europe de l'Est, ce qui s'est passé en 89 a été un choc. Je sais pas, comme une thérapie de choc ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu une transformation du communisme au capitalisme. Ainsi, dans presque tous les pays, le salaire est resté le même, mais les prix ont tellement augmenté. Et après cette révolution en 89, après cette convertie au capitalisme, ceux qui avaient des économies, de l'argent de côté, ont vraiment étaient dans la merde. Ils ont tout perdu. Donc tout a recommencé depuis le début, dans les années 90. Je pense que les gens d'Europe de l'Est, dans les années 90, étaient plus pauvres que pendant le communisme à cause de cette transition. Mais à partir des années 2000, les choses ont commencé à s'améliorer de plus en plus et les pays occidentaux, en quoi est-ce différent? Vous avez plus d'argent que l'Europe de l'Est. Vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pourriez vous dire, d'accord, je ne vais pas travailler, je vais monter un groupe punk. Le gouvernement va me donner de l'argent. Dans les pays de l'Est, ça n'est pas possible parce qu'il faut travailler toute la journée, parce que les salaires sont deux fois inférieure à ceux d'Europe, des pays occidentaux. Donc la scène punk, vraiment, je ne sais pas ce que je pourrais dire, mais elle est différente. Les gens pensent à des choses différentes, ont d'autres priorités. Je me souviens aussi que nous avions de gros problèmes avec les nazis dans les années 90, mais ils ont été expulsés de la scène. En Slovaquie, par exemple, depuis peut-être 10 ans, les choses ont commencé à aller mieux, de mieux en mieux, mais il y a toujours un problème. Je me souviens, quand j'ai commencé à aller au concert, il y avait des nazis qui nous attendaient, donc c'était vraiment merdique. We'll be right back. is my very, very favorite song is a band called Chaos. It's from Yugoslavia or Croatia. And the song Betonska Dieca. C'est ma chanson préférée du groupe Chaos, un groupe yougoslave de Croatie. Le titre, c'est Betonska Djeca. Il est très connu. C'est tiré de leur démo de 80. Et si cette chanson est si bonne, c'est, je pense, parce qu'elle est avec un chant féminin. Le groupe jouait avec du synthé, mais pour moi, c'est du pur punk rock, et surtout ce titre. Chaos de Croatie, donc, avec Betonska Djeca, les enfants du béton. Pour revenir sur le sujet un peu, qu'en est-il de l'ambiance des concerts, de la mentalité politique, etc. Qu'est-ce que tu vois de différent et est-ce que tu retournes souvent en Slovaquie ou pas tellement? Oui, j'y vais tout le temps en vacances, contrairement à beaucoup de gens ici, de Grande-Bretagne ou les Polonais et tout ça, qui vont en Espagne ou dans le sud pour les vacances. Moi, je préfère aller en Slovaquie parce que j'aime vraiment y aller. Et il y a toujours une bonne scène punk là-bas. Les gens en profitent vraiment. Les concerts sont plus sauvages. Je me souviens quand j'ai commencé ici au Royaume-Uni à aller aux concerts. Je regardais les gens et ils étaient juste debout en bougeant la tête. Ils étaient juste debout et ils ne faisaient rien. Et quand certains groupes viennent, par exemple des États-Unis, on pourrait penser qu'ils se disent « Waouh, un groupe américain est venu jusqu'ici » et donc qu'ils apprécieraient vraiment. Je me souviens d'un concert ici au Royaume-Uni et d'un groupe du Brésil et ils m'ont demandé d'où je venais. Je leur ai dit, je viens de Slovaquie. Oh, tu viens de Slovaquie? On a joué là-bas. La foule était incroyable. C'était tellement sauvage. Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que j'aime vraiment aller dans les pays de l'Est parce que ben ouais, pendant les concerts, c'est plus vivant. En Europe de l'Ouest, c'est très souvent blasé. But I said it's not bad, you know, because I like the scene in the UK. But in the East, it's different, like. Oui. J'aime aussi la scène punk, mais à l'Est, c'est différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce sont des gens différents, c'est pensé différemment. En Europe de l'Est, la scène punk est toujours forte et très très fidèle au principe du DIY. Je dirais qu'en Europe de l'Est, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Ouest, ils croient à la scène DIY et au punk rock. En Occident, on peut plus facilement gagner sa vie en étant un groupe punk. Mais dans l'Est, peut-être 1% des groupes peuvent vivre de la musique punk. On va finir avec Moskva. Quel titre as-tu choisi? Our next song is the Polish band Moskva. If you know, I think a lot of people know Moskva. Yeah. It's like... Moskva is truly the Polish version. La chanson suivante est une chanson du groupe polonais Moskva. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce groupe. C'est un peu la version polonaise de Discharge. En tout cas, si on me demandait un groupe polonais similaire à Discharge, je répondrais Moskva. Ils ont commencé en 83 et c'était un groupe très brutal musicalement pour l'époque. J'ai choisi le titre Światlo Atove, enregistré au festival de Jarocin en 84. Ouais, le Jarocin Festival, c'est incroyable qu'ils aient autorisé quelque chose comme ça quand on y pense. Yeah, because I said like before, like I said like the in the Poland the situation was more softly, so yeah. There was not possibility to some do some record, yeah, to go to the record company and some release some record, yeah. Yeah. But there was good really like opportunity to go to this festival. Ouais, because comme je disais, en Pologne, la situation était plus soft. Yeah. Alors certes, il n'y avait pas de possibilité d'enregistrer un disque, d'aller chez une maison de disques et de le sortir, mais il y avait vraiment de bonnes opportunités d'aller jouer à ce festival par contre. Et en plus, on y trouvait vraiment un bon équipement pour jouer. Donc les groupes jouaient dans ce festival assez européen et les gens y enregistraient la musique sur cassette. Puis les membres sortaient et échangeaient différentes cassettes d'enregistrement live de tous les groupes. Et donc, Moskva est le titre Chatlo Atore, Lumière Atomique, un titre très anti-guerre. Ok, bah, cette interview se termine donc avec Światło Atomowe de Moskva. Merci à toi Mario, salut à tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Alouest, rien de nouveau. Hey! Cześć wszystkie załogi! Gdański Toruń! Na początek światło!